Dis-la, dis-la moi, dis-la, dis-le, dis-la la dis. Dis-la, dis-moi, dis-la, dis-le encore. Dis-le, dis-la, dis-moi. Dira, dis-la, dis-le, dis-la, dis-la, dis-la, dis-la, la vie est belle. Les avenues.